Salut à toutes et tous la tribu. Bienvenue dans cette 54e Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. On commencera cette émission avec Killing Floor de Body Count. C'est tiré de l'album Body Count sorti le 10 mars 1992. On peut entendre aussi Smoked Pork, Body Count's in the House, Now Sport, entre autres. Je passerai ensuite Sabra Cadabra de Black Sabbath, c'est sur Sabbath Bloody Sabbath, sorti le 1er décembre 1973. On retrouve aussi Sabbath Bloody Sabbath, Killing Yourself to Live et Looking for Today notamment. Tiens, une nouveauté, le nouveau Green Day, Bang Bang, c'est sur Revolution Radio, sorti le 11 août 2016. On peut entendre aussi Somewhere Now, Outlaws et Bouncing of the Wall, entre autres. Je diffuserai d'autres morceaux, c'est sûr. On s'écoutera ensuite Borderline d'Israel Vibration, c'est sur l'album On The Rock, sorti en 1995. On peut entendre aussi Mr. Consular Man, Find Something To Do et On The Rocks, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Electric Eye de Judas Priest, c'est sur Screaming For Vengeance, pardon, leur 8e album, sorti le 17 juillet 1982. On peut entendre aussi The Alien, Bloodstone et Devil Child notamment. kicks and I wanna start a rager. So far across the region. deal with your brother in a brutal manner. Yeah. So they want you to be scattered, far away from each other. In this time, in this time, you can see war and crime happens on the borderline. Yeah. Vous êtes toujours dans la 54e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Killing Floor de Body Count, Sabra Cadabra de Black Sabbath, une nouveauté Bang Bang de Green Day, Borderline d'Israel Vibration et on a fini en live avec Electric Lie. Electric Eye de Judas Priest. On poursuivra cette émission avec le nouveau Anthrax Evil Twins, c'est sur For All Kings, sorti le 26 février 2016. On peut entendre aussi You Gotta Believe, For All Kings et Zero Tolerance, entre autres. Tiens, un classique de Doudoudou, de Da-Da-Da, de Police. C'est sur Zenyatta Mandata, leur troisième album sorti le 3 octobre 1980. On retrouve aussi Don't Stand Close to Me, Voices in My Head et Shadows in the Rain, entre autres. Je diffuserai ensuite I Need Somebody des Stooges, c'est sur Rare Power. C'est leur troisième album sorti le 7 février 1973. On peut entendre aussi Search and Destroy, Raw Power et Shake Appeal, entre autres. Tiens, un petit NoFX, Bleeding Heart Disease. C'est sur Heavy Petting Zoo, leur sixième album sorti le 31 janvier 1996. On retrouve aussi Release the Hostage, What the Matter with the Kings Today. La bonne question est toujours là. Et Drop the World, entre autres. Et on finira en live avec General Penitentiary des Black Uhuru. C'est sur Guess Who's Coming for Dinner, sorti en 1979. On peut entendre aussi Living to Zion, Shine High, et Natural Reggae Beat. Et oui, Sly et Robbie, le bassiste et le guitariste respectif de ce groupe, sont les musiciens du cultissime album Aux Armes, etc. de Serge Gainsbourg. To the million dollar happiness. To the million dollar happiness. Vous êtes toujours dans la 54e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter Evil Twins, une nouveauté de Anthrax, de Doo-Doo-Doo, de Da-Da-Da, de Police, I Need Somebody, des Stooges, Bleeding Heart Disease, de NoFX, et on a fini en live avec le grand classique General Penitentiary de Black Uhuru. On continuera cette émission avec le classique Whatever d'Oasis, c'est sur leur premier album Definitely Maybe, sorti le 30 août 1994. On retrouve aussi Rock'n'Roll Star, Live Forever et Supersonic notamment. Tiens, une autre nouveauté, Faire le premier pas de Fast and Furious, c'est sur Sortez Couvert, sorti en 2015. On peut entendre aussi En Orbite, Chercher l'Instru et Saleté de Moustique, entre autres. Allez faire un tour sur la page Facebook de Fast and Furious. Alors Fastened, F-A-S-T-E-N-E-D, Furious. J'ai envie de son vinyle aujourd'hui. Ce sera Bienvenue en Enfer des Brigada Forest Magone. C'est sur Tout pour Tous. Sorti le 22 octobre 2007. On retrouve Chien de Guerre, Violence et La Rage au Corps. Ils se sont reformés pour une tournée. Vont-ils refaire un truc? Je ne sais pas. Je mène mon enquête et je vous tiendrai informé des nouvelles très vite. Je diffuse ensuite Lost in the Dark Forest de Be Now. C'est sur l'excellent Come to the Dark Side, sorti en 2015. On peut entendre aussi For the Rock, La Finale Sonne Mon Fort 1 et 2 et Exploiter, un top album. Merci Be Now de m'avoir fait parvenir ton CD. You can't. faudra que tu fasses. But first move for me, so that could be a us. Mélange tout. moi, les rois malheureux, il a vendu, il fait bon, il est déjà fait, il a salon, lui, il rouvre le nom, lui, sorti. Vous êtes toujours dans la 54e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Whatever d'Oasis, faire le premier pas, une nouveauté des Fast and Furious, Bienvenue en Enfer en vinyle de Brigada Forest Magone, Lost in the Dark Forest de Be Now, et on a fini, ça c'était la bonne surprise, avec Sur les Sentiers de la Gloire de Ludwig von 88. Et oui, c'était sur Oulala 1, et là ils se sont reformés, ils vont peut-être nous pondre un truc, no sé. Pour moi, ce serait cool, la suite au prochain épisode. On continuera cette émission avec The Answer Lies Within des Dream Theater. C'est sur Octovarium, leur 8e album sorti le 7 juin 2005. On peut entendre aussi The Roots of Holyville, These Walls et Never Enough, entre autres. Vous savez, Vampire Freak, c'est une grande tribu. Je diffuse peu de rap, mais là, j'ai eu un véritable coup de cœur cet été. C'est pour Demi-Portion. Le morceau s'appelle Partie de Rien. C'est sur l'excellent Dragon Rush, sorti le 19 janvier 2016. On peut entendre aussi Dragon Rush, Le Dernier Chevalier et Demi-P-A-I-X. Je diffuserai sûrement d'autres morceaux. Et c'est une dédicace pour Anthony qui nous écoute via archive.org à Saint-Étienne-l'Ardérolles. Envie de grands classiques cette semaine. Je passerai Blitzkrieg de Metallica. C'est sur le somptueux Kill Em All, sorti le 25 juillet 1983. On peut entendre aussi Eat the Light, Motor Breath et Seek and Destroy. Il vient d'être réédité en 6 CD. Je passerai ensuite Eastman Skank de Dillinger. C'est sur le double album CB de 2000 et Bionic Dread, sorti le 23 novembre 2004. On peut entendre aussi CB 2000, Bionic Dread et Invisible Dread notamment. Et on finira ce bloc en live avec Ace of Spades de Motorhead. C'est sur Clean Your Clock, le live à Munich, enregistré en novembre 2015, sorti le 10 juin 2016, 6 mois après la mort de Lemmy. On retrouve aussi Bomber, Metropolis et Dr. Rock, entre beaucoup d'autres. Try to keep

traveling from the west and to the east, way out to east to take our release, to have a musical feast with my brand new release. They don't call the Eastman's gang in a higher rank, baby. A Eastman's gang in a higher rank. A Eastman's gang in a higher rank. A Eastman's gang from the Channel One. A Eastman's gang from a Channel One day, you know. Eastman's gang. Said I went out to East Figo check Aligis. Figo have a little fees. Figo have a little fees. And here came the least who come to disturb the peace. Here came a beast and then disturb the peace. I will leave with the knees. I will leave with the knees. Come back to West Car. We are the best. We are the best. I said them are the best. I went to the east, we go check our rookies. I went to the north, from the start, baby. A Eastman skank in a higher rank. A Eastman skank in a Canada Eastman's gangin. Come in, outta McGregor Gully. I will tell you to do Holy Gully. Outta McGregor Gully, where we used to do the Holy Gully, you know. And now we outta Rockford, where I used to row my boat. Outta Rockford, I will tell you that, yeah, you know. We outta East, and then I row across to Gunboat. From Rockford, straight across to Gunboat. Eastman's gang in a higher ranking. Me say the east and the west are the best. The east and the west are the best. The east and the west are the best. Them say the smart man come from the north. Them say the smart man come from the north. Say the wise man come from the east. Then I'm about the best man come from Rasta from the west. Say the best they are is. Sounds got the Eastman's gang to confess they, you know. Kind of ballistic style come a run wild, baby. So right. We'll be right back. Dankeschön. Thank you. Okay, here's a song from our Blues Delta phase. Vous êtes toujours dans la 54e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter The Answer Lies Within de Dream Theater, une petite nouveauté Partie de Rien de Demi-Portion, le grand classique Blitzkrieg de Metallica, Eastman's Skunk de Dillinger et Ace of Spades en live de Motorhead. Ah, il nous manque le Lemmy. Tiens, un autre classique pour continuer, ce sera Some Unholy War d'Amy Winehouse. C'est sur Back to Black, son deuxième album sorti le 27 octobre 2006. On retrouve aussi Rehab, Me and Mr. Jones et Back to Black, entre autres. Allez, je suis généré. On va se faire deux nouveautés à la suite. La première, c'est à la fin de l'Exode, le nouveau L'Ordre d'Héloïse, extrait d'un album à venir, des nouvelles très vite. Et la deuxième nouveauté, ce sera le dernier Sum 41, 13 Voices, leur septième album, sorti prévu le 7 octobre. On peut entendre Godman, I'm Dead Again, War and 13 Voices, entre autres. Tiens, hâte de découvrir cet album et de vous le partagerai. Je passerai ensuite Poussière d'Ange de Ragasonic. C'est aussi le nom de cet album sorti en 1995. On retrouve aussi Original, J'entends parler, Aiguisé comme une lame, et Légaliser la ganja notamment. Et on finira ce bloc en live avec Partout dans ce monde, la dubbing. C'est sur l'album Paradise sorti le 14 octobre 2013. On retrouve aussi Better Run, Chaque Nouvelle Page et Enfants du Ghetto. Ils sortent un album fin septembre, il s'appelle So What. Ils sont déjà repartis en tournée et il y a déjà plein de concerts qui affichent complet. Alors si vous voulez les voir, dépêchez-vous. Strength he didn't know. Is you I'm fighting for. We'll be right back. Ce morceau on le dédicace à tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants là qui sont tués là à l'heure où on se parle en Palestine. Alors s'il vous plaît, un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Yeah, yeah, yeah. Au centre de l'endroit, dans des comme ses visions. Je rêvais d'un jour meilleur avec mes frères et sans distinction. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Des armées militaires et limiter le pouvoir des cons. Que l'on m'appelle ainsi pour de bon. Je rêve des jours meilleurs, aussi naïfs que mon opinion. Qu'on puisse croire en nous-mêmes, je ne veux pas me nourrir d'illusions. Des armées militaires et limiter la pouvoir des cons. Non, non, non. War and revolution. Le... Non, non. Power and direction. Partout dans ce monde, il y a des voix qui résonnent. Un peuple, une foule à qui on ne pardonne. Qu'on emprisonne, yeah yeah yeah, tous sans zone de l'endroit, tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens du monde qu'il en reste. Aujourd'hui, il est point temps qu'on ne cesse, yeah yeah yeah, d'enfermer des hommes noirs au fascisme. Des larmes, j'ai la conviction qu'un jour on vivra dans le respect. Faut-il prier et sa personne ne le sait. La preuve du contraire, quelques hommes le voudraient. Choisissez vos directions, faites tout pas de vos intentions. Car face au poids des traditions, il faut que l'on reste libre de choisir. Non, non, non, non, qui nous dirige et qui nous guide, même pour le pire. La démocratie ne peut se lire dans les chapitre une histoire à souvenir. Merci à vous, l'Olympia. Bon, on continue ou bien? Oh! Hey Zeus, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit freestyle ou bien? Quoi ça? Quoi ça? A B! On vient de s'écouter Summon Holy War de Amy Winehouse. À la fin, l'Exode, la nouveauté de l'Ordre d'Héloïse. Fake My Own Death, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de Sum 41 en nouveauté. En Poussière d'Ange de Ragasonic et Partout dans ce monde en live. On finira avec du son culte Heartbreaker. De Led Zeppelin, c'est sur Song Remains the Same, sorti le 28 septembre 1976. On retrouve aussi Rock'n'Roll, Dazed and Confused, One Lotta Love, entre autres. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu!